Il y a beaucoup de choses qui circulent que c'est pas vrai. C'est de la mythologie populaire, ce que j'appelle la mythologie populaire. Je dis pas qu'il n'y en a pas des affaires. Bon. Ah, bonjour Didier. L'affaire, c'est que souvent, des fois, on va faire circuler des choses sur la réalité que c'est du mythique, si on peut dire, c'est de la mythologie populaire, puis ça cache d'autres choses d'un petit peu moins graves, mais qui n'est pas tellement mieux que ça, là. Regardant en France, là, Pierre Palmade, bon, moi, j'ai jamais été capable, là, quand quelqu'un est laid à ce point-là, habituellement, c'est une identification de... Quand quelqu'un est extrêmement laid, puis qu'il dégage juste quelque chose de laid, puis que tout est bon, on peut se douter qu'en arrière, c'est laid. Hein? Puis aussi, bon, c'est pas des gens qui ont du talent extraordinaire, là. Est-ce qu'il vous a déjà fait rire, Pierre Palmade? Y avez-vous vu la face? On voit que c'est quelqu'un qui se détruit depuis des années, ça paraît, il l'a décrit d'en face. Donc, bon, du monde de même, c'est ça, derrière la mythologie populaire, c'est des affaires dans ce genre-là. C'est un petit peu moins hollywoodien. La réalité est un petit peu moins, mais des fois, dépasse la fiction un petit peu. Mais c'est comme j'en ai parlé, l'adrénochrome. C'est à un moment donné, oui, c'est des thèses complotistes parce que l'adrénochrome, ça se synthétise. Puis vous pouvez en acheter, là. C'est pas si cher que ça. Puis bon, ça, c'est à cause d'un. Vous savez, l'écrivain qui écrit Peur et dégoût à Las Vegas, là, ils ont fait un film, c'était traduit comme ça en français. C'est lui le premier qui a parlé de ça. Puis c'est entré dans la mythologie populaire. Puis il y en a qui ont brodé autour de ça. C'est un peu comme les Illuminati. Il y a eu la satanique panique qui a commencé dans les années 70, après 80. À un moment donné, ça devient difficile de séparer le vrai du faux puis d'avoir du discernement. Parce que ça, il y a des choses qui ont été gonflées, puis il y a du faux là-dedans. Il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux. C'est pour ça que ça prend énormément de discernement. Énormément de discernement. Parce qu'il y a bien des choses qui ont été dites que c'est pas réel, là. Puis ça circule encore, puis le monde croit encore à ça. Mais derrière, ces fausses, ces choses-là qui sont pas réelles, il y a des choses, c'est pas mieux.